peur de l'autre côté parce qu'il avait des gros yeux. C'est un clown. Sur ses pieds, il a deux boules. Il fait un poirier. Il est rigolo. S'il choisit un éléphant avec sa tête gris et rouge, sa tête marron, un œil tout petit, un pied gros et un autre pied de gros. Je choisis la chouette, elle a des yeux oranges, des pattes blanches, il a un nez rouge, il a des oreilles bleues, il a des pieds rouges et bleus, il a des jambes oranges, bleues et bleues, vert et jaune. Un escargot, il a un chapeau, des grandes pattes et un grand œil, un petit œil et il est multicolore. La sculpture, c'est un chien qui saute dans un cerceau. Il est rouge, il a des yeux blancs, son nez il est bleu. La sculpture, c'est un clown, il a des couleurs. Il est rigolo. Je vais aller à la maison.